pourquoi pas ouvrir mon esprit aux choses immuables qui existent. Jeter la once qui fait le triste. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Tu cherches quelque chose dans ta vie morose. Tu verras les cieux.